Dans les clubs, maintenant que j'ai l'âge pour être dans le club, je n'en veux plus. Le plaisir, je n'en ai plus. Quand j'étais jeune, j'en voulais toujours plus. Maman, passe-moi l'auto, j'ai pas le temps d'attendre le bus, d'attendre le temps juste. Je me suis pris en avance, mais je vieillis plus, je suis dans ma deuxième adolescence. Vivons le vide, sois pas pressé par le temps. À chacun ses circonstances. Je suis rendu dans ma deuxième adolescence. On dit que ça a juste pas de sens, mais quoi que le monde pense, je ne suis pas sur la défense. Depuis ma tendre enfance, je sais qu'on n'a pas toutes les réponses. Les questions qu'on pose offrent la même différence. Qu'on a vieilli en quête d'aventure. Plusieurs ont quitté le pays. On cherche à se définir, faut créer notre avenir. Mais comme plusieurs ces jours-ci, je ne cherche qu'à vivre. J'y cherche encore un but au lieu d'être une fonction. Je remarque certains problèmes, maintenant c'est le temps des solutions. Vivons le vide, sois pas pressé par le temps. À chacun ses circonstances. Je suis rendu dans ma deuxième adolescence. On dit que ça a juste pas de sens, mais quoi que le monde pense, je ne suis pas sur la défense. Depuis ma tendre enfance, je sais qu'on n'a pas toutes les réponses. Les questions qu'on pose offrent la même différence.